À Marseille, on fait les bouteilles. À Versailles, on les empaille. À Toulon, on met les bouchons. À Paris, on les remplit.